nous arrive souvent d'évoquer à ce micro dans nos jeudis consacrés à l'histoire des sciences cette période révolue d'avant, le divorce entre la science et les citoyens. Cette époque où la science était porteuse de progrès, dessinait à l'humanité un avenir radieux, une alternative sociopolitique à une société inégalitaire. Cette époque, ce rationalisme militant ont été formalisés par une personne, Auguste Comte, au sortir de la Révolution française. Comte a voulu faire de la démarche scientifique un modèle, autant politique, social que moral, et remplacer l'aspiration à la transcendance par l'aspiration à la rationalité. Positivisme, la science a ses raisons, c'est le programme historique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire donc du positivisme et l'évolution de la pensée d'Auguste Comte, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Bourdeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Et Cyril Verdet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique au lycée Stanislas à Paris, chercheur associé au laboratoire CIRT de l'Observatoire de Paris. Vous pouvez nous suivre, comme d'habitude, en complément de cette émission. Et ce sera intéressant pour le reportage tout à l'heure. Je laisse le suspense planer. Nous avons pu visiter un lieu assez incroyable, souvent fermé au public. Donc, pour aller voir toutes ces photos et puis les liens que nous avons postés tout au long de cette heure en complément de notre discussion, c'est sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, commençons, et bien, comme souvent dans ces jeudis consacrés à l'histoire et à la philosophie des sciences, par un peu de mise en contexte. Auguste Comte naît en 1798 à Montpellier. Il va formuler la loi dite des trois états qui fonde en quelque sorte le positivisme en 1822. Dans quel contexte historique sommes-nous, tant dans le domaine de la science que dans celui plus généralement des idées, Michel Bourdeau? Alors, si on veut situer le contexte, c'est d'abord la Restauration, l'époque post-révolutionnaire, et Comte, comme ses contemporains, comme Guizot, comme Tocqueville, se pose la question, comment terminer la Révolution? Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que Comte est un élève de l'école polytechnique, c'est-à-dire il a reçu une formation comme nulle part on en offrait, et si, souvent on a comparé Comte à Hegel. Et la différence est très claire. Si vous voulez, le rapprochement est possible parce que ces deux philosophes de l'histoire, ces deux grands amateurs de synthèse, par exemple pour le second Comte. Mais la différence, c'est que Comte, c'est un élève de l'école polytechnique et Hegel, c'est un élève du séminaire protestant de Tübingen. Voilà, c'est pas la même formation. Cyril Verdet, plus généralement sur le contexte scientifique de cette fin de révolution, effectivement la révolution a chamboulé beaucoup de choses, on est en pleine période de reconstruction, mais quelles sont les grandes idées scientifiques qui prédominent à l'époque, qui vont servir certainement de terreau à l'élaboration de la pensée d'Auguste Comte? Comme Michel l'a dit, Auguste Comte est élève de l'école polytechnique, et l'école polytechnique est le vecteur puissant à cette époque-là d'une physique qui est fondamentalement mathématique. L'analyse en mathématiques a fait des progrès considérables, grâce à Lagrange, grâce à Cauchy, et ils sont toute une génération de physiciens, Ampère, Poisson, Navier, Clapeyron, et tant d'autres, qui sont qui mettent en pratique cette physique mathématique, essentiellement mathématique, fondamentalement mathématique. Et il y a, je pense, là, un point important qui vient expliquer la pensée d'Auguste Comte sur le positivisme. On est évidemment dans la physique post-newtonienne, ce qui est important de le signaler. Et c'est intéressant de voir que, d'ailleurs, quand on regarde un peu ce que Comte dit de ses maîtres à penser, de ceux qui l'ont aidé à structurer sa pensée, Newton n'apparaît pas du tout. En revanche, on lit... Comte cite facilement Bacon, Galilée, Descartes et Hume. Un petit mot peut-être là-dessus, Michel Bourdeau. Disons, c'est peut-être trop tôt pour introduire la loi des trois états. Hein. C'est beaucoup trop tôt, on va y arriver beaucoup plus tard. Comment dire? Par exemple, Bacon, il était très à la mode à l'époque depuis D'Alembert. Hein. Ensuite, Descartes. Alors, c'est le dieu d'Auguste Comte, Descartes. Hein, c'est celui qui a révolutionné la philosophie et la science. Hume, c'est très important parce que Hume, c'est la critique de l'idée de cause, grosso modo. Hein. Et alors, y a une autre chose qu'on néglige très souvent, c'est que Hume, c'est un membre de ce qu'on appelle l'école écossaise, Adam Smith. Et Comte a lu très attentivement tous ses auteurs. Et quand on ça c'est pour sa pensée politique, ça change beaucoup de choses. Voilà. C'est intéressant de voir, je reviens là-dessus, mais c'est parce que ça m'a surpris à titre individuel, que Comte cite Galilée plutôt que Newton. Cyril Verdet. La question piège. Je suis pas sûr qu'il cite davantage Galilée plus que Newton. Mm-hmm. Pour Hume, effectivement, il y a la critique de la causalité. Pour Bacon, il y a essentiellement l'idée d'expérimentation, c'est-à-dire d'aller provoquer des phénomènes pour essayer de questionner la nature sur des sujets bien précis. L'expérimentation, mm-hmm. Absolument, c'est ça. Qui est très importante. Qui est beaucoup plus sophistiquée que la simple expérience ou la simple observation. S'agissant de Galilée ou de Newton, on trouve chez Galilée, une position positiviste, mais peut-être un regard déjà qui éloigne un petit peu la métaphysique. Alexandre Cuilleret disait que lorsque Galilée travaille sur la chute des corps, au fond, il ne cherche déjà plus la cause de la chute des corps, mais il en cherche seulement l'essence. C'est-à-dire qu'il a compris que... La chute des corps dans le vide, hein, la fameuse... Voilà. Il a compris que c'est fondamentalement la mathématique qui va lui permettre d'accéder à la loi de la chute des corps, et que la notion de cause, déjà, n'a plus de valeur explicative. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de positivisme, de l'histoire de ce courant de pensée initié par Auguste Comte, et donc on va évidemment parler d'Auguste Comte. Michel Bourdeau, on va revenir à Comte. Vous pouvez nous raconter peut-être quelques mots de biographie de son enfance, de sa jeunesse. On a parlé de ses mentors dans l'histoire des sciences, mais il y a un autre mentor qu'il va falloir citer très rapidement, c'est Saint-Simon. Alors, Comte est un... Pas de faut dire un enfant prodige. Donc né en 1798. Né en 1798, il étudie au lycée de Montpellier. Il est trop jeune pour se présenter au concours d'école polytechnique, donc on le fait attendre un peu. Il est reçu brillamment. À Polytechnique, c'est un élève perturbateur, qui est souvent repris par ses supérieurs. Et puis surtout, sa promotion est renvoyé parce que soupçonné de bonapartisme à l'époque de la Restauration. Et alors, c'est un problème pour lui. Il retourne à Montpellier étudier la médecine parce que il a à Polytechnique, il a appris les mathématiques, la physique, la chimie, mais il n'a pas fait de médecine. Alors que la biologie, ça compte beaucoup pour lui. Et puis effectivement, ne trouvant pas de travail, un temps il est question qu'il aille aux États-Unis. Il était où on voulait créer une école polytechnique. Et puis ça ne marche pas et il se retrouve secrétaire de Saint-Simon. Alors effectivement, ça c'est un sujet tout à fait fondamental. C'est là où se forme la pensée de Comte. Et en même temps, c'est un sujet très difficile parce que Comte très vite a été injuste envers Saint-Simon. Il l'a traité de tous les noms, c'est un farceur, un jongleur, un dépravé, etc. Alors que c'est auprès de Saint-Simon qu'il découvre l'industrie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'état positif, c'est aussi l'état industriel, une théorie de l'ingénieur. Une chose qu'il emprunte également à Saint-Simon, c'est l'idée que terminer la Révolution, c'est établir un nouveau pouvoir spirituel. Alors ça, c'est la politique, c'est pas notre objet, mais enfin... Ça n'est pas notre objet, on va voir qu'on va forcément y faire... on va faire un détour par la politique. Ce qui est important peut-être de rappeler, Cyril Verdet, je le disais dans l'introduction, le positivisme, c'est beaucoup de choses, c'est une pensée très holistique, hein, c'est une pensée scientifique, évidemment, c'est une pensée philosophique, c'est une pensée morale, c'est une pensée politique, et Comte le dit tout de suite, dès le début... Il veut refonder la société dans son ensemble. Son ambition n'est pas moins que de refonder l'intégralité de la société. Oui, c'est ça. Et puis la méthode qu'il emploie, c'est d'ordonner ses sciences. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de... Il élabore une unification de toutes les sciences, donc depuis les mathématiques jusqu'à la sociologie. Et c'est en vertu de cette classification et donc cette unité par complexité croissante qu'il tente en tout cas de trouver effectivement quelque chose de tout à fait global et qui permet de caractériser le positivisme. Si je peux rebondir, c'est auprès de le Comte a écrit ce qu'il appelle un ouvrage fondamental, un opuscule fondamental, plan 1822, plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. Et là-dedans, il y a deux mots, travaux scientifiques, réorganiser la société. Et ce qu'on voit bien, c'est que la science est là comme un moyen. Le but, c'est la politique. Et on oublie très souvent ça pour une raison assez simple, c'est que après avoir dit ça, Comte se dit, oui, mais je peux pas, mon programme politique, je peux pas le réaliser parce que j'ai besoin de systématiser les sciences. Et ça va lui prendre 15 ans. Le cours de philosophie positive, et quand il se remettra à la politique, les gens s'intéresseront plus beaucoup à lui. Hein. C'est ce qui... l'ensemble étant orienté vers l'idée de progrès aussi. C'est-à-dire que tout à fait. On réordonne en vue de pouvoir progresser. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est vraiment le travail de formalisation d'une vie. D'ailleurs, il y aura plusieurs périodes, on va les examiner au long de cette heure, mais on trouve dès ses écrits de jeunesse, avant 1822, on est entre 1814 et 1816, il est temps aujourd'hui de prendre une marche plus raisonnable, de n'admirer, de n'estimer, de ne payer que ce qui est utile, que ce qui peut contribuer au bien-être de l'individu et de l'espèce, que la faculté d'abstraire ne soit employée que pour faciliter la combinaison des idées concrètes. En un mot, que ce ne soit plus l'abstrait qui domine, mais le positif. Commentaire libre, Michel Bourdeau. Alors écoutez, ça c'est difficile. Et on a eu une discussion avec Cyril il y a quelque temps, s'il se souvient, à propos de l'usage d'abstrait chez Comte. Ah. Le mot abstrait, c'est un mot conceptuellement lourd et obscur. Hein. Mais... chez Comte, ça fonctionne dans l'opposition abstrait-concret. La science est abstraite, mais le but, c'est le concret. Et d'ailleurs, un temps, il disait, pour l'instant, on a des sciences abstraites, mais il faut des sciences concrètes. Les sciences concrètes, grosso modo, c'est l'application. Et Comte était parfaitement conscient de ce que l'application des sciences, c'est à la fois ce qui motive la société, et en même temps, c'est une source de difficulté. Parce qu'il disait, l'exemple classique, c'est le tir des artilleurs. La balistique vous décrit la trajectoire de votre projectile. Mais il arrive jamais là où la balistique vous dit qu'il arrivera. Hein? Donc ça, c'est le concret. Et le but de Comte, c'est le positif, c'est le concret. Simplement, on ne peut pas y atteindre de façon féconde sans le détour par l'abstraction. On peut d'ailleurs revenir et dire un mot, Cyril Verdet, sur l'étymologie de ce terme positivisme. Comment est-ce que Comte le construit, ce terme? D'où, quelle racine va-t-il chercher? Ce qui est positif, une science positive, c'est une science qui base ses jugements uniquement à partir des faits, à partir de ce qu'on a constaté, de ce qu'on a mesuré. C'est la raison pour laquelle, quand il dit, il faut éliminer la notion, par exemple, de cause au profit de la notion de loi. Voilà. Eh bien, la notion de loi, c'est ce qui exprime ce rapport entre ce qu'on constate. On constate des phénomènes, et on va essayer d'identifier à partir de ces constatations des rapports constants, et donc on élimine cette chose totalement abstraite qui est la notion de cause et qui a une teneur métaphysique et c'est donc ça. Qui n'appartient plus à la science. Chercher le sens absolu n'est pas à la portée de l'être humain, en fait. La cause n'est pas donnée, voilà. Ne se donne pas à voir, si vous voulez. Donc, c'est pas un fait. Le sens premier, pardon, c'est le sens premier que je cherchais. Ce qui est pour revenir un mot sur cette étymologie de positivisme, hein, on a le suffixe du latin ponere positus, ce qui est posé, ce qui est établi. Ce qui m'intéresse plus, c'est le suffixe, parce que le suffixe positivisme, c'est à la fois une concurrence des systèmes religieux, catholicisme, mais aussi des systèmes politiques, libéralisme, socialisme, conservatisme. Donc ça dit bien l'ambition qui est celle d'Auguste Comte, Michel Brodeau. Alors, là, c'est un petit peu compliqué. Premièrement, le terme positivisme en tant que tel n'apparaît chez Comte que dans la deuxième philosophie, 1848. Il dit il y a la philosophie positive et le positivisme. Donc c'est assez la dimension politique, grosso modo. Ensuite, sur le sens de positif. Positif, c'est ce qui est posé. Et Comte, quelque part, dit il y a quatre sens de positif, utile contre oiseux, réel contre chimérique, etc. Mais une chose extrêmement importante, positif, c'est d'abord le contraire du négatif. Et une pensée positive, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, faut positiver. Ben chez Comte, c'est ça. Et ce qu'il reproche à ce qu'il appelle la métaphysique, c'est d'être critique. Vous voyez, ça, c'est pas bien, etc. Non, il faut positiver. Il faut c'est organisé. Un deuxième sens de positif qui trouve chez ses contemporains, ça c'est la question d'histoire et d'influence, c'est chez Saint-Simon, chez ce Burdin que cite Saint-Simon, c'est une science positive s'oppose à conjecturale. Ça s'appuie sur des faits. Et ça, c'est relativement important. Alors, il y a une dernière chose. C'est vrai, le positivisme, c'est le passage de l'imagination à l'observation. Mais en même temps, Comte dit que ce qui compte en science, c'est pas tellement le fait, c'est la loi. Et ça, c'est extrêmement important si on veut distinguer le positivisme de ce qu'on appelle quelquefois le scientisme, c'est-à-dire une sorte d'admiration béate sur devant. Ça, c'est un fait, ne discutez plus, c'est établi. Chez Comte, il dit les faits de l'astronomie, c'est ridicule. C'est j'ai observé tel jour à telle heure, telle étoile à tel endroit. Pff, quelle affaire. Ce qui compte, c'est la loi. Oui. La connaissance, c'est la loi. La connaissance, c'est la loi. Même si il faut respecter les faits. Cyril Verdet. L'expression même de la connaissance n'est plus, ne réside plus, par exemple, dans des causes ou dans d'autres objets à caractère métaphysique, mais dans l'expression d'une loi, donc toujours ce leitmotiv, c'est-à-dire un rapport constant entre les phénomènes. Permet la prévision, excusez-moi, c'est très très important, l'aspect positif. Ça. On va y venir. Le positivisme se compose essentiellement d'une philosophie et d'une politique qui sont nécessairement inséparables, comme constituant l'une la base et l'autre le but d'un même système universel où l'intelligence et la sociabilité se trouvent intimement combinées. Oui, alors ça c'est 1848, le passage que je vous disais. C'est là où apparaît le mot positivisme qui a deux facettes, la science et la pensée politique. Avant d'arriver aux trois états, ce à quoi j'aimerais vous amener, ce que je trouve assez intéressant et ce qu'il faut peut-être bien comprendre pour voir l'ampleur de cette pensée holistique, hein. Alors c'est un anachronisme de dire pensée holistique, mais je l'utilise volontairement, de cette philosophie d'Auguste Comte, c'est de dire qu'au sortir de la Révolution, si on pouvait se mettre finalement tous ensemble en tant que société d'accord sur quelques principes irréfutables qui sont issus de la science, eh bien, alors un consensus social finirait par émerger et donc un nouveau système moral et politique pourrait s'établir qui amènerait de facto un climat d'harmonie et de stabilité. Est-ce que je résume bien la chose, Cyril Verdet? Me semble-t-il, mais alors là, pour le coup, c'est Michel Brodeau. Tout à fait. Alors, il y a une autre façon d'exprimer ça, et c'est encore dans les écrits de jeunesse, Comte s'est séparé de Saint-Simon, c'est des considérations philosophiques sur la science et les savants. Là, je pense que Comte marque des points très forts. Des considérations philosophiques sur la science, c'est aussi vieux que la philosophie. Mais dire considérations philosophiques sur la science et les savants, ça, personne, à ma connaissance, ne l'avait dit avant lui. Et, comment dire, d'abord, c'est rappeler qu'il n'y a pas de science sans savants. ce qu'on aurait parfois tendance à oublier, hein, quand on étudie les théories scientifiques, Galilée, c'est une figure, mais la pratique concrète, et alors, c'est les savants, parce que c'est pas un savant, c'est la société savante, la cité savante. Ça, c'est le premier point. Et puis, il peut s'intéresser aux savants, c'est parce qu'il a vu que dans la société, c'était constitué une classe de savants. La preuve, c'est l'école polytechnique. Quel est le but de l'école polytechnique? C'est de former des savants. Donc, il y a l'apparition... À l'époque de Galilée, il y avait des gens comme Galilée, Descartes, Huygens, etc. Pascal, il faisait des expériences scientifiques. Mais il n'y avait pas de classe de savants. Puisque petit à petit, et la Révolution française a joué un rôle fondamental, il y a une classe de savants qui se constitue. Dernier point, si vous me permettez. Je vous permets tout. Merci. De ces savants, qu'est-ce que Comte attend de ces savants? C'est qu'ils prennent la place du clergé catholique. Voilà, c'est voilà. Le nouveau pouvoir spirituel. Alors ça, il sera obligé de mettre ça de côté pendant un certain temps, mais... C'est intéressant, les savants, ouais. Les philosophes, pour dire ouais. Plutôt que les savants philosophes, ah non, pas tout à fait. C'est les savants, parce que ça va avec la loi des trois états, ça. Alors, venons-en à cette loi des trois étoiles, il est 16h20, on va tout de même prendre le taureau par les cornes. 1822, comment est-elle et quelle est-elle? Qui veut répondre? Michel Bourdeau, cette loi des trois étoiles, Cyril Verdet. La loi des trois états, c'est une loi qui en fait calque l'évolution de l'humanité sur l'évolution d'une personne. Et au fond, l'humanité évolue comme une personne, c'est-à-dire que Auguste Comte dit, dans sa jeunesse, dans son enfance, l'humanité a connu un âge théologique, dans sa jeunesse un âge métaphysique, et puis dans sa virilité, c'est son terme, ou dans son âge adulte, c'est l'âge positif. Voilà. Et donc, évidemment, c'est lui qui apporte l'âge positif. L'orientation du progrès, c'est de continuer cette marche-là et de s'affranchir autant que possible, soit des illusions de l'âge théologique ou des abstractions de l'âge métaphysique. On voit d'emblée, hein, c'est intéressant, et on y reviendra, et d'ailleurs ce sera l'évolution naturelle de cette pensée positiviste, que le rapport au religieux est très très ambigu, en tout cas pas extrêmement bien défini ou circonscrit, dirait-on, dans cette loi des trois étoiles, Michel Bourdeau. Alors, effectivement, l'état théologique est définitivement révolu. Chez Comte, il ne reviendra jamais là-dessus. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut dissocier la religion de la théologie, c'est-à-dire la croyance en Dieu. La religion, c'est un phénomène social. Et quelque part, les penseurs religieux de l'époque, si on pense à Demestre, pour eux, c'est la même chose. Hein, courons-nous jeter dans les bras des évêques. Hein, la religion, c'est un rempart social. Mais sur la loi des trois états, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a deux... Il y a la loi spirituelle et la loi temporelle. Vous avez l'état théologique ou militaire, l'état métaphysique ou légiste, l'état positif, ou c'est-à-dire scientifique ou industriel. Ça va ensemble. Hein. Et alors, une chose qui est très importante, c'est que pour Comte, comme pour d'autres, d'ailleurs, c'est pas lui qui a inventé ça, ça se trouve chez Benjamin Constant, le temps des guerres est fini. Si vous voulez, l'Europe a été le siège de guerre, mais Napoléon, hop, c'est fini. Et de fait, pendant un siècle, il n'y aura pas de guerre. Hein. Une précision quand même, c'est que l'aspect religieux qu'il veut donner au positivisme s'affirme surtout après. Fameuse expérience avec Clotilde de Vaux, une expérience amoureuse, extrêmement intense pour Auguste Comte, qui modifie profondément son regard sur le monde. Et aussi. On y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. J'aimerais qu'on aille creuser un peu. Alors, avec cette loi des trois états, il y a une sorte de corollaire, hein, pourrait-on dire, qui est la hiérarchisation, la classification des sciences, qui est important parce que ça vient aussi structurer un peu cet univers de pensée, qui est que finalement, la mathématique est la science positive par essence, puisqu'elle permet d'objectiver le réel. la mathématique est finalement le langage d'herméneutique de la réalité scientifique, pourrait-on dire. Je laisse Cyril Verdet. Pour la classification des sciences. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme chez Descartes, la mathématique, c'est vraiment la source d'une connaissance certaine. Et donc, à partir de là, tout va se déployer de cette certitude. Et par degré de complexification, on va passer donc des mathématiques jusqu'à la sociologie. Mais c'est aussi un degré. La sociologie, c'est un peu un anachronisme, parce que même si Auguste Comte va la fonder, il appelle ça une physique de la société. Voilà. Ouais. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais oui. Et donc il y a un lien de subordination aussi entre elles, et l'enracinement dans les mathématiques garantit une connaissance certaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, j'aimerais que vous me détailliez un peu la façon dont les sciences aujourd'hui, telles que Auguste Comte les envisage, sont finalement une nouvelle forme de rapport au réel, une nouvelle grille de lecture du réel qui permet finalement, par le biais de l'induction, par le biais de l'expérimentation, d'avoir un rapport au réel qui est un rapport différent, qui est sorti finalement du rapport de la métaphysique que pouvaient avoir les autres formes de pensée transcendantale. Je suis pas sûr qu'il y ait une intention particulièrement, militante de ce côté-là chez Auguste Comte. Encore une fois, il est un enfant de l'école polytechnique, il baigne dans une science dont la caractéristique principale est d'être une science mathématique. Et au fond, il ne fait que dérouler ce que cette caractéristique de la science nous dit de la science. Et tous ces grands savants du début du 19e siècle, quand vous regardez leurs ouvrages, ce sont des traités de mathématiques. C'est-à-dire qu'ils déroulent avec une confiance entière un raisonnement qu'ils ont appliqué à des objets physiques bien précis au départ, effectivement. Mais au bout du compte, il y a une certaine sérénité dans cette méthode mathématique. Et effectivement, il y a un rapport au réel qui petit à petit devient de plus en plus distendu. Mais le péché originel, si je puis dire, et on le retrouve très souvent chez Auguste Comte, parce qu'il le cite très souvent, c'est Lagrange. Joseph-Louis Lagrange, qui écrit un ouvrage en 1788 qui s'appelle La mécanique analytique, qui couronne d'une certaine manière tout ce qu'on avait pu faire en mécanique, mais qui le synthétise à partir d'une seule formule. Et il y a là une sorte de parrainage de Lagrange sur les savants du début du 19e. Et me semble-t-il, il y a chez Auguste Comte, il se place complètement dans cette lignée. Mmh. Mais c'est une lignée dans laquelle le réel vient en second plan. L'essentiel, c'est d'abord la mathématique. L'analyse nous a permis de faire des progrès absolument considérables au début du 19e. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de très militant dans la pensée d'Auguste Comte de ce point de vue-là. Simplement, il fait confiance à cette méthode mathématique. Sur le rapport aux sciences, ce qu'il faut bien comprendre, on l'a évoqué, mais peut-être que maintenant que l'on a défini justement le cadre de cette pensée positiviste via la loi des trois états, et la classification des sciences, c'est que du coup, ce qui prévaut, c'est évidemment la méthode inductive, l'absence de cause, donc qui dit pensée inductive dit méthode expérimentale, c'est-à-dire vraiment l'observation. Et de l'observation du réel, de l'expérimentation, on tire des lois et on va stricto sensu dans ce sens-là, dans ce sens-là de pensée, et jamais dans le sens inverse, c'est-à-dire dans la recherche d'une causalité. On induit plutôt, on ne déduit plus. Je nuancerai un peu cela. C'est-à-dire, ce que vous appelez induction, ça peut être rapporté à l'empirisme, grosso modo. Alors, le rapport de Comte à l'empirisme est complexe. D'un côté, c'est dans la première leçon du cours de philosophie positive, tous les bons esprits répètent depuis Bacon qu'il n'y a de connaissance que celle qui repose sur les faits observés. Mais Comte dit, c'est bien beau ça, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas observer les faits sans théorie. Donc l'esprit est pris dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'on commence par la théologie. Vous avez chez Comte ce qu'on a appelé le critère empiriste du sens, c'est-à-dire il y a de connaissances réelles que celles qui reposent sur les faits, mais Comte a toujours insisté sur le fait que les théories ne nous sont jamais soufflées par l'expérience. Il y a un rôle, le bon savant, il a un pouvoir créatif et imaginatif. Et par exemple, dans la théorie des hypothèses, Comte dit, il y a la déduction, il y a l'induction, mais si on veut comprendre la marque de la science, il faut ajouter un troisième mode de raisonnement, qui est le raisonnement hypothétique, qui n'est ni inductif, ni déductif. Cyril Verdun. Et puis attention, la déduction, c'est pas la causalité. La déduction, c'est vraiment c'est l'application du raisonnement mathématique, oui. D'une logique mathématique. Et même chez les... On en parlera après, je crois, mais dans le post-positivisme, en tout cas les positivistes... Oui. Ou en tout cas, les partisans d'une science positive qui viennent après, comme par exemple Duhem, l'induction n'a pas de valeur. Fondamentalement, ça reste une science qui est déductive. C'est-à-dire qu'on pose des hypothèses, mais des hypothèses qui n'ont d'expression qu'algébrique, et ensuite, on déroule la mathématique. Donc ça reste quand même fondamentalement déductif. Un dernier mot peut-être à ce propos et à ce propos du développement de cette pensée positiviste d'Auguste Comte, dans la façon dans laquelle elle est une forme d'objectivisation du monde, puisque si tout peut être expérimenté, mesuré, quantifié, alors il existe une conception objective du monde sur laquelle l'humanité peut s'accorder, et là effectivement on reboucle la boucle, c'est-à-dire que il est à la portée du savant, de définir le réel, et si le savant peut définir le réel, alors l'humanité peut s'accorder sur une conception du monde, et donc peut s'organiser en société. Comte emploie relativement peu souvent le mot « réel », parce que ça a une connotation métaphysique qui apparaît assez vite. Ce qui souligne, c'est que, avec le progrès, il y a le progrès social en général, mais le prototype du progrès scientifique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Progrès, c'est l'approximation. C'est-à-dire que quand on pose une loi aujourd'hui, on sait que dans un futur plus ou moins proche, on l'abandonnera en faveur d'une autre. Hein. Il y a pas de, c'est relatif, c'est pas absolu. Simplement, si on abandonne la loi d'aujourd'hui pour une autre, c'est parce qu'on se rapproche de la réalité. Voilà. Donc, on a une vue relativiste, en quelque sorte, de nos connaissances, mais qui n'est pas relativiste au sens sceptique, où on dit ce qu'on veut, etc. C'est pas vrai. Hein? La science est une connaissance approchée. Et ça passe par la mathématisation, parce que c'est les mesures de plus en plus fines. Et puis... dans le cours de philosophie positive, Comte précise fréquemment qu'il n'est pas question d'aller toucher l'intimité des choses, du réel. Oui. C'est-à-dire que ça nous reste... c'est même pas que ça reste inaccessible, c'est plus notre question, en fait. Mm-hmm. Voilà. C'est plus le problème de la science que d'aller chercher la substance première de ce qu'on a en face de nous. You cannot bend me, and I'll never break. It's hard to believe what you don't understand. Just put your faith in this knowledgeable man. Don't say why. Suzanne Little, Knowledgeable Man, sur France Culture à 16h35. Nous parlons de positivisme tout au long de cette heure et d'Auguste Comte, de la pensée d'Auguste Comte. Nous en parlons avec Michel Bourdeau, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, et Cyril Verdet, professeur de physique au lycée Stanislas à Paris et chercheur associé au laboratoire CIRT de l'Observatoire de Paris. Et pour continuer et poursuivre sur cette pensée, sur l'évolution de cette pensée d'Auguste Comte, nous l'avions évoquée il y a quelques minutes dans la première partie de cette émission, et pour tout paradoxal d'ailleurs que cela puisse paraître, eh bien cette pensée positiviste va conduire Auguste Comte à l'envisager comme une forme de religion. Je le disais tout à l'heure, une sorte d'herméneutique des sciences qui aboutit à un dogme, la religion non pas de la science, mais de l'humanité. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez la chance de pouvoir visiter la chapelle de l'humanité qui est située dans le quartier du Marais à Paris. Oui, et c'est David Labreur, le directeur du musée et des archives de la maison Auguste Comte, qui m'a fait faire la visite de cette chapelle un peu insolite, située rue Payenne à Paris, vous le disiez, et qui a été inaugurée en 1905. David Labreur nous explique comment est née cette religion de l'humanité pensée par Auguste Comte et il nous décrypte les symboles qui peuplent cette chapelle. Il nous parle aussi de la réception de cette religion par les contemporains d'Auguste Comte, une réception qui a pu être parfois un peu mitigée. Voilà, entrez. On se trouve à la chapelle de l'humanité, qui est un temple positiviste bâti d'après les plans du philosophe Auguste Comte qui avait conçu une religion de l'humanité. Donc ce temple est une réplique fidèle de ce qu'aurait pu être un temple de l'humanité en plus petit puisqu'il s'agit d'une chapelle. Est-ce qu'on pourrait visiter un petit peu cette chapelle ? Est-ce que vous pourriez me la décrire et me décrire ce qui nous entoure aujourd'hui ? Parce que c'est très particulier. Alors effectivement, c'est vraiment bâti déjà sur le modèle d'une chapelle gothique, d'une certaine manière. Vous avez sur les murs 14 arcs brisés qui correspondent à des chapelles, en fait des petites chapelles qui sont consacrées à des grands hommes qui ont fait le progrès de l'humanité. Parce que Comte, dans le cadre de sa religion, avait conçu un calendrier qu'il appelait calendrier positiviste et chaque mois, en fait, rendait hommage à une notion et à un grand homme. Par exemple, on a sur le mur de droite le mois consacré à Moïse. Moïse qui était, selon Comte, le représentant de la théocratie initiale. Puis on a Homère qui représente la poésie antique, Aristote, la philosophie ancienne, puis Archimède, Jules César, et après on passe au Moyen-Âge avec Saint Paul et Charlemagne qui représentent l'un le catholicisme, l'autre la civilisation féodale. Et ensuite, on passe à l'époque plus moderne, avec des gens comme Dante, que Comte adorait, Gutenberg, qui représente l'industrie moderne, Shakespeare, que Comte aimait beaucoup aussi, et on finit par Bichat, le 13e mois du calendrier, en fait, qui représente l'entrée dans l'âge positif, d'une certaine manière. Bichat était un grand médecin, un grand physiologiste, et un 14e arc qui représente Héloïse, en fait, qui représente les femmes, parce que le rôle des femmes dans la philosophie d'Auguste Comte était important. Et donc Héloïse symbolisait un peu l'amour courtois, le grand amour avec Abélard, cette espèce d'amour impossible, et donc symbolise la supériorité morale de la femme pour Comte. Tous ces portraits qui sont juchés sur des colonnes sont surmontés aussi de citations, de mots. Il y a un peu des phrases écrites sur les colonnes, des mots qui semblent être des concepts un peu clés. Est-ce que vous pourriez m'en citer quelques-uns et me dire voilà à quoi ça fait référence ? Oui, alors... Dans toute religion, il y a un dogme et un culte, d'une certaine manière. Alors, le dogme positiviste est fondé, par Comte, sur en fait l'ordre des sciences, la classification des sciences que Comte a appelé la philosophie positive. C'est-à-dire qu'il faisait l'histoire de chaque science, il en déduisait une philosophie. Et en fait, c'est ce qui représente le dogme, c'est un peu la base intellectuelle du positivisme. Après, on a le culte, c'est-à-dire comment se fait le culte positiviste. Eh bien, il se fait à partir des arts, c'est très important. Et donc, on a architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Alors que de l'autre côté, on a le dogme avec logique, cosmologie, biologie, sociologie et morale. Voilà, parce que Comte avait inventé cette 7e science, il y avait 6 sciences. La 6e, c'était la sociologie. Que Comte a inventé, enfin, il n'y a pas inventé le mot véritablement, mais c'est le premier à l'accoler à la science des faits humains, d'une certaine manière. Et on a ensuite la morale, qui était une 7e science, que Comte mettait un peu au-dessus de toutes les autres. Derrière nous, on a l'autel. Alors, l'autel qui est de part et d'autre entouré de cartes. Que sont ces cartes ? Oui, alors l'hôtel, déjà, c'est une représentation allégorique de Clotilde de Vaux. En, la muse de Comte. Tout à fait, en vierge de l'humanité, en vierge mère de l'humanité. Elle est représentée en blanc et elle tient un enfant dans ses bras qui représente, lui, l'avenir de l'humanité. Sur les deux côtés du mur de l'hôtel, on a deux cartes, deux plans de Paris. L'un qui date de 1857, la date de la mort d'Auguste Comte, et l'autre qui date de 1846, qui est la date de mort de Clotilde de Vaux. Et Paris avait une symbolique très forte, et dans la philosophie, et dans la vie de Comte. Et dans sa philosophie, on voulait en faire une sorte de capitale du monde, spirituel et temporel. Paris devait être le siège spirituel de la religion de l'humanité, avec un grand temple. C'était vraiment une ville avec une symbolique forte, c'est pour ça qu'on retrouve ces deux plans de Paris sur les murs de la chapelle. Dans cette religion, quelle place a la science, quelle place occupe le savant ? Dans la philosophie d'Auguste Comte, le positivisme, on a toujours l'impression que Comte a fait une véritable rupture avec la religion de l'humanité par rapport à sa philosophie précédente, ce qui est pas vrai d'une certaine manière, puisque Comte a toujours eu l'idée d'un système qui visait à réorganiser la société. Les sciences pour lui sont un moyen en vue d'une fin. Il ne se contente pas de la science pour réorganiser la société. On assimile souvent Comte au scientisme, et c'est probablement une erreur, c'est même sûrement une erreur, parce que Comte ne veut pas faire une religion de la science, il veut faire une religion de l'humanité. Pour Comte, en tout cas dans la première partie de sa vie, il estime que ce sont les savants qui doivent jouer un rôle prépondérant dans la conduite des affaires, d'une certaine manière. Il va être assez déçu des savants et de leur, ce qu'il appelle leur pédantocratie, et il va estimer en fait que les sciences ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Il estime qu'il faut aussi une compréhension émotive des choses, d'une certaine manière, et morale. Et donc sa philosophie va évoluer, après donc la rencontre avec Clotilde de Vaux, vers un aspect religieux. Et la religion, pour lui, c'est pas seulement un culte ou une liturgie, c'est aussi un lien social. Le lien social est indispensable pour maintenir l'humanité unie, d'une certaine manière. Donc la religion va servir de ciment social, d'une certaine manière, et c'est ce qui va un peu recouvrir tout son système. Est-ce qu'on a une idée de la réception des contemporains d'Auguste Comte à cette religion de l'humanité ? Ses anciens amis, on va dire, parce que Comte avait quand même un aréopage de savants autour de lui, il y avait des gens quand même qui le suivaient, je pense aussi à Émile Littré, qui va être l'auteur du fameux dictionnaire, à John Stuart Mill, le fameux économiste anglais, qui était parmi les grands admirateurs de sa philosophie, en tout cas de sa philosophie positive. Non pas du positivisme entier, mais de sa philosophie positive. Donc on a quelqu'un comme Littré, qui a même fondé avec Comte la société positiviste, qui a fondé un subside positiviste, parce que Comte avait très peu de moyens finalement, et donc il avait fait lever des fonds pour l'aider à survivre, hein, d'une certaine manière. Donc il y a eu une réception au moment où Comte énonce la religion de l'humanité assez mitigée. C'est-à-dire qu'il est au sommet de sa popularité dans les années 1844 jusqu'en 1848. C'est à partir de 49-50 que pas mal des auditeurs de ses cours ou de ses, on va pas dire disciples, mais de ses admirateurs se détournent de lui à cause de ce tournant religieux. Donc la réception de la religion de l'humanité, elle s'est faite à une petite échelle aussi, d'une certaine manière. Quelques disciples, les membres de la société positiviste, quelques ouvriers aussi, puisque les ouvriers assistaient aux cours d'astronomie populaire que donnait Comte, cours qu'il a transformé ensuite en cours sur l'histoire générale de l'humanité, donc c'est symptomatique de son évolution. Donc il y avait quelques adhérents, quelques disciples un peu fervents, mais beaucoup se sont détournés de Comte à ce moment-là. Voilà ce reportage du jour dans cette chapelle de l'humanité d'Auguste Comte. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Michel Bourdeau. C'est vrai que la religion de l'humanité n'a pas mordu en France. Hein. Au Brésil, les Brésiliens sont venus tenir une chapelle. En Grande-Bretagne, le positivisme religieux a été assez important à l'époque victorienne. Une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que précisément dans la réorganisation de la société européenne, cette idée de nouvelle religion est très présente. Bénichou écrit le temps des prophètes, les saint-simoniens. Mais ça, c'est dans les années 1815-1835. Et Comte, à cette époque-là, il écrit son cours de philosophie positive, c'est sa traversée du désert. Et quand il sort avec sa religion, ça n'intéresse plus personne. Voilà. Cyril Verdet. C'est un lieu assez singulier, cette chapelle de l'humanité. On a posté des vidéos et des photos sur notre fil Twitter, @laméthodefc, si vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi ressemble cette chapelle de l'humanité. Moi, je pense que cette chapelle, mais surtout la fondation de la religion de l'humanité, montre, à mon avis, une des limites du positivisme, c'est-à-dire que aussi positif soit-on dans la construction d'une science, il y a quand même une ouverture vers quelque chose de plus absolu qui demeure, quoi. Et donc, c'est-à-dire. Je pense que à la rigueur, il n'y a pas besoin de créer une religion de l'humanité. Les sciences positives. Pourquoi besoin, Cyril Verdet? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de notion de nécessité d'un seul coup qui surgit? Non, je ne sais pas. Enfin, manifestement, il ressent le besoin de fonder et une religion et un catéchisme qui va avec. Et une temporalité aussi, puisqu'il y a un calendrier positiviste. Il me semble que ça traduit quand même malgré tout l'incapacité à tout enfermer dans les sciences positives et qu'il y a un regard qui reste tourné vers quelque chose qui le dépasse malgré tout. Et je pense que la rencontre avec Clotilde, ce visage. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, parce qu'on l'évoque comme ça de manière un peu lointaine, un peu pudique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est cette rencontre qui va le pousser à transformer cette philosophie positiviste en dogme religieux, Michel Bourdeau? Alors, il faut pas oublier que Comte était marié, comme Clotilde d'ailleurs. Mais Comte était marié à l'abominable épouse qui avait quitté le foyer conjugal, etc. Il était contre le divorce, une situation embarrassante. Et Clotilde, de la même façon, était mariée avec quelqu'un qui était receveur des impôts, qui était joueur et qui était parti avec la caisse. Et donc... Oui, l'abominable mari, donc ça marche dans les deux sens, hein, voilà, finalement. Donc, alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que... En 45, quand il se rend compte, Comte a derrière lui le cours et repasse à la philosophie politique. Alors, il est très clair que émotivement, il est ébranlé. Hein, et ça, alors pour aller dans le sens de ce que dit Cyril, le mot d'ordre. Ordre et progrès, la devise... Ordre et progresso, qui est la devise brésilienne. Exactement. Mmh. Elle est complétée à partir de là. L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Et c'est là où on voit que le positivisme, dès le départ, c'est pas un scientisme, parce qu'en général, les savants, ils sont pas scientistes, parce qu'ils savent ce que vaut la science et ce qu'elle ne peut pas faire. Hein. C'est le fait des non-savants, le scientisme, pour dire vite. Comte n'a jamais été scientiste, mais ce qu'on appelle sa deuxième carrière, après Clotilde, si vous voulez, quand on connaît à la fin de sa vie, Comte passait 2 heures à prier. Il se mettait à genoux devant le fauteuil où Clotilde s'était assis et il récitait des poésies de Dante, l'imitation de Jésus-Christ, etc. Donc, Et puis c'est le portrait de Clotilde qui trône au-dessus de l'autel, si je puis dire, entre guillemets, de la chapelle de l'humanité. Une religion d'amour, c'est magnifique. Pour revenir à la philosophie positiviste, j'aimerais qu'on en dise un mot et qu'on dise un mot de la postérité de cette pensée positiviste. Parce que, comme le dit Michel Bourdeau, cette religion de l'humanité n'a pas fait florès ici en France, mais elle a essaimé ailleurs. Et j'aimerais plutôt qu'on se situe dans l'ordre de l'évolution de l'histoire des idées. Comment est-ce qu'elle est critiquée déjà, cette philosophie positiviste, et comment est-ce qu'elle est, d'une certaine manière, refondée quelques années après par le Cercle de Vienne? Alors, Cyril Verdet. En science, le positivisme a eu une postérité sur la base d'un refus de la métaphysique. C'est le mot d'ordre du Cercle de Vienne dont vous parliez. Alors, un mot sur le Cercle de Vienne pour nous dire ce que c'est. Le Cercle de Vienne, c'est un cercle qui au début est informel et qui rassemble une poignée de savants, de philosophes à Vienne autour de Maurice Schlick, qui est philosophe lui-même, et qui entreprennent de décrire une conception scientifique du monde dans laquelle ils expriment que ils veulent créer un mouvement positiviste, mais c'est un positivisme un peu nouveau, dans la mesure où, dans ce positivisme-là, une notion importante vient structurer cette pensée, c'est la notion de logique. On retrouve ça parmi les inspirateurs de ce mouvement-là, il y a Ernst Mach, et il y a Poincaré, et puis il y a Pierre Duhem, notamment. Et l'idée est toujours la même, hein, celle qu'on trouvait déjà chez Comte, c'est-à-dire que, au fond, la mathématique suffit pour décrire le monde, et tout le reste, hein, comme il est écrit dans le manifeste, il n'y a pas de profondeur, tout n'est que surface dans la science. Et le reste n'est que littérature. Et tout le reste, tout le reste, dès lors qu'on ne peut pas le mettre en équation, qu'on ne peut pas le soumettre à une logique rigoureuse, ça n'a pas droit de cité dans la science. Et donc on tombe dans un formalisme logique, alors pour le coup extrêmement sec. Voilà. Et donc ça a été une des postérités de ce positivisme. J'insiste sur un point, c'est que quand on dit que c'est anti-métaphysique, notamment, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur la notion de causalité ou de cause plus exactement, on le trouve chez Mach notamment quand il dit dans la nature il n'y a ni cause ni effet, la nature n'est présente qu'une seule fois. Il y a cette idée que la cause, ça ne dit rien, en fait, c'est vide. En tout cas, du point de vue scientifique, ça ne dit rien. Qu'est-ce que c'est qu'une cause? Si on vous demandait à quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que c'est qu'une cause? Vous allez voir que c'est difficile de dire ce que c'est qu'une cause. En revanche, il y a des relations, il y a des rapports constants, mais ça s'exprime avec de l'algèbre. Voilà. J'aimerais qu'on dise un mot aussi de la critique du positivisme, Michel Bourdeau, parce qu'elle vient, elle est formulée, notamment sur plein de questions. On parlait de la déduction tout à l'heure, sur le fait que la déduction domine dans les grandes théories physiques, sur le fait que, contrairement à ce que postule Auguste Comte, eh bien, les faits et la théorie ne cessent d'interférer, que la théorie expérimentale a ses limites, qu'elle a par ailleurs ses limites, ce qui est intéressant dans cette physique de la société que voulait fonder Auguste Comte, à savoir la sociologie. L'expérimentation en sociologie est limitée, elle est biaisée. Vous pouvez nous dire un mot justement de qui il apporte cette critique et comment elle va essaimer? Alors, la critique du positivisme est aussi vieux que le positivisme. Oui. Je voudrais quand même rebondir un petit peu sur mais ce... Je ne vous lâcherai pas sur la critique du positivisme, oui, non, mais, Michel Bourdeau. Avant, si on s'interroge sur la postérité de Comte chez les philosophes des sciences, alors il y a le néo-positivisme que vient d'évoquer Cyril, dont le lien avec le positivisme, si vous prenez Schlick, Carnap, etc., est problématique. Le lien, c'est Ernst Mach. Mais il y a une autre postérité de Comte en France, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie historique, c'est-à-dire Duhem. Duhem, il fait des travaux d'épistémologue, il fait des travaux d'historien. Canguilhem connaissait très bien Comte. Il avait fait son mémoire de son diplôme sur Comte, etc. Donc je pense que ça montre bien que pour les philosophes des sciences, Comte, c'est quelqu'un qui a toujours compté, en fait. Alors maintenant, la critique. La critique est aussi vieille, mais aujourd'hui, on dit qu'on vit à l'ère du post-positivisme. D'accord? Parce que le positivisme est dépassé, etc. Je suis d'accord avec tout ce que vous me dites. Hein. C'est vous qui êtes détenteur de la parole. Mais il faut bien voir que post-positivisme, ça nous vient d'outre-Atlantique, des États-Unis, et c'est ce qui vient après le néo-positivisme. C'est-à-dire les post-positivistes, dans les faits, très souvent, retrouvent des positions conciennes qui rappellent que le rôle de l'histoire, l'enracinement social, etc. Voilà sur la critique du positivisme. Et puis alors, autre le retour de la métaphysique des sciences. Ça, pour un positiviste, c'est rentable. C'est d'ailleurs à quoi vous faites référence exactement? C'est mes collègues de l'Institut d'Histoire des Sciences, les séminaires, c'est la métaphysique, la causalité montante, descendante, etc. Je veux dire, le vocabulaire métaphysique, il est omniprésent dans la philosophie des sciences qui se pratique aujourd'hui. Du moins, omniprésent, pas tout à fait, mais c'est un courant très fort et dans lequel j'ai du mal à me reconnaître. On comprendra peut-être. Vous nous avez donné quelques indices au cours de l'heure qui vient de s'écouler. Un mot sur ce post-positivisme, Cyril Verdeck, comment est-ce qu'il est incarné? Qu'est-ce qu'il postule aujourd'hui? Où le retrouve-t-on? Je rebondis juste sur un point qu'a dit Michel. On pourrait faire aussi une critique de la science telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Il n'y a pas que la notion de causalité qui ressurgit. Il y a aussi, on parlait de logique. Ouais. Il y a un manque de rigueur logique dans la science telle que on l'enseigne, qui quelquefois fait. Vous pensez à quoi concrètement? Je pense concrètement, par exemple, ce matin à l'épreuve du bac de physique, les élèves avaient à travailler sur la notion de force avec une fusée. Vous ne trouverez nulle part, dans aucun livre de physique, une définition algébrique de la force. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue logique, du point de vue strictement logique, on laisse aux élèves le soin de forger eux-mêmes leur idée de ce que c'est qu'une force. C'est-à-dire qu'ils s'en font une idée qui est complètement subjective, et il n'y a pas, dans un cours de mécanique, aujourd'hui, une définition de la force. Le problème vaut aussi pour la chaleur. Vous avez fait une émission toujours sur la chaleur. On fait aujourd'hui un cours en terminale sur la chaleur. À un moment donné, apparaît la lettre Q. Cette dimension physique, cette grandeur physique n'est pas une dimension de base. Par conséquent, il faudrait la définir du point de vue algébrique. On ne le fait pas. Et c'est-à-dire que là, il y a une sorte de manque logique, un manquement. Une aporie. Qui, à mon avis, est assez grave, parce que du point de vue de la structure, la structuration d'un raisonnement, il manque une pierre, et une pierre importante. Ça, c'est, alors pour conclure, du coup, je me retourne vers vous, et puis le post-positivisme, on y reviendra un autre jour. Michel Bourdeau, que faut-il conserver aujourd'hui? Qu'est-il bon de conserver de la pensée kantienne et de cette philosophie positiviste aujourd'hui à l'aune de la science du XXIe siècle? Alors, la classification des sciences. Parce que la classification des sciences, elle permet de faire droit à la fois à la diversité irréductible des sciences. Il y a 6 sciences ou 7 sciences, on peut modifier le nom. Mais enfin, mathématiques, physique, chimie, biologie, sociologie, exactement. Ça c'est la classification kantienne. Les sciences étudient des phénomènes irréductibles, mais en même temps la classification permet de la penser dans leur unité. Et il y a une critique de la spécialisation. Le physicien est obligé de connaître les mathématiques, il peut pas, voilà. C'est une certaine forme d'essentialisation des sciences qui ne vous fera pas que des amis, à mon avis, parmi les étudiants de la méthode. Mais néanmoins, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Michel Bourdeau, merci Cyril Verdet d'être venu nous parler d'Auguste Comte et de cette pensée positiviste. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Ominaga de Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation et Jacques Azubert à la technique. Demain, eh bien, avant-dernier vendredi de la méthode scientifique, avant une pause estivale bien méritée, ce sera un vendredi fiction dans lequel nous soufflerons des bougies d'anniversaire, alors des bougies virtuelles, à moins qu'elles ne soient réelles, je ne sais pas dans quel univers elles se situent, puisque nous fêterons les 20 ans. Les 20 ans, ça fait déjà 20 ans qu'il a fallu choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge, 20 ans que Neo a plongé dans la matrice. Nous célébrerons donc dignement l'anniversaire de la trilogie cyberpunk des sœurs Wachowski. Nous suivrons le lapin blanc demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.